Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Axel Hippaute, bonjour. Vous êtes metteur en scène de la pièce Bérénice qui est prochainement à l'affiche à Point commun, la nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise et du Val d'Oise, les 16 et 17 janvier prochains. Je préciserai en fin d'interview les horaires de représentation et le lieu. Pour l'heure, commençons peut-être par cette pièce qui est une des plus belles pièces du répertoire classique. Qu'est-ce qui vous a donné le désir de la mettre en scène, sachant que je crois que c'est la première fois que vous vous attaquez à ce type de pièce? Oui, absolument, c'est vrai. En fait, étrangement, l'histoire a commencé grâce, je dirais, à Marguerite Duras, qui avait en fait une passion pour cette pièce, et j'ai moi-même beaucoup travaillé autour de Duras il y a quelques années, et c'est elle qui m'a réouvert, je dirais, le chemin de Bérénice, dans cette sorte de fraternité, plutôt sororité d'ailleurs, on pourrait dire, oui. Avec en effet ces grandes tragédiennes amoureuses dont Bérénice est d'une certaine manière ce secret, c'est-à-dire cette capacité de s'abîmer dans l'amour, de se donner à l'amour, de considérer l'amour comme un absolu total. Et c'est bien en cela, en effet, que Racine parlait autant à Duras, cette manière vraiment de tout risquer. Elle risque tout, elle risque son trône, évidemment, elle risque son pays, sa culture, sa religion. Rappelons que Bérénice était juive, en fait, ce que souvent, d'ailleurs, on oublie, alors que Titus lui-même, en fait, avait été envoyé en Judée pour mater la révolte de Judée. Donc, il y a un scandale, en fait, dans cet amour-là. Et c'est aussi ce scandale, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils vont chacun lutter désespérément, jusqu'au bout de leur force, contre Vespasien, la loi de Rome d'un côté, qui interdit à un empereur romain d'épouser une reine étrangère, et elle-même en effet contre ses origines, son peuple, etc. Mmh. Et c'est cette passion-là qu'on a voulu raconter de manière, je dirais, enfin, dans l'universalité et à la fois la grande contemporanéité qui s'en dégage encore, et d'une certaine manière, le chemin aussi que m'a permis de faire Duras, c'est qu'en fait, on projette un film, un court-métrage, comme ça, qui ponctue les actes, un court-métrage de Duras, qui s'appelle Césarée, qui est un hommage à Bérénice, et qu'elle resitue en fait totalement, justement, dans sa géographie. En Judée, c'est ça, hein. Voilà, absolument, dans cette Judée, dans cette mémoire, dans cette... Au fond, c'est comme si elle en refaisait la figure de toutes les diasporas, on pourrait dire. Mmh. C'est d'ailleurs ce documentaire, ce court-métrage plus précisément, je crois il dure une quinzaine de minutes, Césarée, qui a été le déclencheur de ce spectacle, de cette mise en scène pour vous? Disons que si vous voulez, c'est le chemin. Ensuite, évidemment que c'est le continent racinien dans lequel on a plongé. La pièce est évidemment dans son intégralité, dans sa folie et à la fois dans sa pureté extraordinaire, hein, puisque c'était... C'était ça le pari incroyable que s'était lancé Racine à l'époque, ce pari d'un classicisme absolu qui était de faire du théâtre de rien, c'est-à-dire de bâtir 5 actes sur une séparation qui est donnée d'emblée et que tout le monde connaît, sauf Bérénice. Bérénice va mettre 3 actes, elle, à comprendre qu'elle est quittée quand nous-mêmes, spectateurs, nous le savons dès le départ. Dans ce court-métrage de Marguerite Duras, Bérénice, donc, par amour, quitte son peuple, sa religion, son pays, pour suivre le colonisateur. Donc, effectivement, trahison par l'amour. L'amour étant ce possible champ, effectivement, de dépasser toutes ses racines et toute son histoire. Oui, mais d'une certaine manière, c'est vrai qu'au tout début, quand on s'est plongé dans le projet, cette idée d'une Bérénice m'aidée, comme ça, voilà, qui trahit, enfin voilà, Jason, etc., était présente pour moi. Mais au fond, je crois que c'est... D'abord, il n'y a aucune morale, évidemment, ni chez Racine, ni chez Duras. Parce que, au fond, comment vous dire, dans cet amour-là, c'est ça qui nous a passionnés, il y a un projet pour l'humanité, on pourrait dire, en fait. C'est-à-dire que... parce que chacun va contre... les oppositions des lois qui sont les leurs, et Titus aussi à sa manière. C'est-à-dire que on pourrait dire que c'est quand même, et on sait combien ces chemins-là ont souvent été tentés, notamment par des empereurs romains, il y a une forme de tentative d'alliance de l'Orient et de l'Occident, à travers cet amour-là. Et je pense que Titus, avant la mort de son père et avant que cet héritage millénaire lui tombe dessus, le caressait aussi ce rêve-là. C'est un amour passionnel, c'est un amour fou, mais dans cet amour-là, il y avait aussi une sorte d'utopie politique, je pense, très profonde pour l'humanité, en fait. Et je crois que c'est plus important ça, au fond, que la question de trahir les siens, parce que ça aurait été une union, en même temps, politique extraordinaire, justement, qui aurait pu, voilà, comme alors Jules César l'a tenté à sa manière aussi, et puis Antoine, avec Cléopâtre, enfin, vous voyez, toutes ces tentatives comme ça, où l'amour, en fait, où l'amour, parfois, dans l'histoire, aurait pu donner naissance à un autre monde, en fait. Alors c'est vrai que l'histoire de l'humanité est pleine de ces histoires d'amour impossibles et de ces histoires d'amour qui allaient au-delà de ce que les uns et les autres pouvaient imaginer. Il y a aussi un sujet qui peut-être est développé au travers de votre pièce, c'est cette notion de déséquilibre qui peut y avoir aussi dans la manière d'aimer. Bérénice aimait Titus, est-ce que c'était réciproque ? Oui, moi je pense profondément, je sais qu'il y a un livre tout à fait intéressant d'ailleurs qui est titré « Titus n'aimait pas Bérénice », mais... Non, personnellement, je ne partage pas cet avis. Je pense que Titus, à sa manière, va au bout d'une forme d'impossible. Mmh. Bien sûr, il se heurte. Et on voit bien, hein, je veux dire, à l'acte 5, vraiment, si Bérénice n'ouvrait pas le chemin de son propre départ pour que Titus puisse régner, il est prêt à mourir, en fait. Mmh. Il est prêt à mourir. Je pense vraiment, on arrive... Avant que Bérénice n'ouvre ce chemin qui constitue à la fois le cœur de la tragédie et à la fois la vie, d'une certaine manière, c'est-à-dire son retour à Césarée, qui contient évidemment une forme de mort, hein, bien sûr, mais disons, voilà, en tout cas c'est Bérénice qui évite qu'une seule goutte de sang ne soit déposée dans cette tragédie. Oui. À l'évidence, une pièce qui peut encore nous surprendre, c'est sûr, et voire même nous émouvoir, il suffit même de vous entendre parler à l'instant. Est-ce que cette question amoureuse ne se limite qu'à cette relation de couple, à cette histoire entre effectivement Bérénice et Titus ? Non, bien sûr, le temps est court, mais évidemment, vous avez entièrement raison, il faut absolument évoquer Antiochus, qui est une figure absolument incroyable. C'est lui d'ailleurs qui a le plus grand rôle de la pièce en termes de texte. C'est lui à qui Racine confie le dernier « Hélas ». Il est le témoin, il est celui par qui cette histoire ne nous serait sans doute pas parvenue. Il est cette douleur aimante, et qui aime désespérément, et qui en même temps, c'est ça qui est fou, d'une certaine manière, fait exister l'amour de Titus pour Bérénice. Enfin, mmh. Il existerait en lui-même, bien sûr, mais il en est le témoin, en fait. Il en est presque même, par moments, le voyeur, on pourrait dire, puisqu'il en est le confident. Et l'amour de Titus et Bérénice se nourrit aussi du regard d'Antiochus. Et c'est là hein, où il y a une forme de perversité inconsciente, évidemment, mais néanmoins très, très, très présente, qui irrigue ces trois personnages. Et ça me rappelle une phrase, justement, de Duras qui dit « L'amour se fait toujours à trois, un qui regarde pendant que le désir circule de l'un à l'autre. » Oui, c'est joliment dit. Et d'ailleurs, en parlant de Duras, c'est vrai qu'on entend cette voix bouleversante pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de voir ce court-métrage, Césarée, qui a été donc tourné, comme on l'a dit tout à l'heure, elle l'a réalisé, au retour d'un voyage en Israël, c'est ça ? Absolument, absolument. Au retour d'un voyage à Césarée, entre autres, ouais. Dernière chose, quand on parle de Racine, de la langue de Racine, du théâtre de Racine, on parle aujourd'hui d'incroyable modernité. Est-ce à dire que vous avez aussi travaillé ou fait un travail particulier sur les alexandrins ? Eh bien, nous les avons écoutés, respectés profondément, mais en même temps, nous les avons parlé, en fait, parce qu'ils contiennent en eux une puissance d'affect, une puissance... de feu, je ne sais comment dire, une musique intérieure absolument extraordinaire. En fait, ils sont, d'une certaine manière, ils sont la beauté de la douleur, Je ne sais pas comment dire autrement, en fait. C'est-à-dire que plus les corps, les âmes s'abîment dans la douleur d'aimer, ou de ne penser ne plus l'être, et plus l'alexandrin devient sublime et pur. Mmh. Et donc c'est comme une sorte de consolation, en fait. C'est un chant de consolation. C'est ça qui est extraordinaire. C'est de manier à la fois la plus grande douleur et la plus grande beauté en bouche. Mmh. C'est vertigineux. Donc on a fait un travail, mon Dieu, ça a été une découverte évidemment extraordinaire. Je dois dire que les interprètes sont eux-mêmes de grands amoureux de l'alexandrin. C'était important pour moi, en fait, d'une certaine manière, qu'on soit d'accord vraiment profondément sur l'amour de cette langue. Et on la parle, en fait, et on la parle, et elle devient une langue, elle devient une langue très simple, en fait. Vous savez, Racine avait peu de mots à son vocabulaire, de manière évidemment extrêmement volontaire. Et c'est ça qui est extraordinaire, en fait, c'est qu'on est dans un réseau de mots finalement très simple, qui se retourne, qui se passe de bouche en bouche, qui dans une économie en fait. Mmh. Voilà, c'est une très très grande économie et tout est dans la composition. Alors, pour que tout ceci passe le mieux et le plus directement possible auprès des spectateurs, il faut certes à la fois Racine, à la fois Marguerite Duras, à la fois Célipote pour que cette magie prenne, mais il faut plus encore ces passeurs et ces passeuses que sont les interprètes. Quelques mots à leur propos ? Bien sûr, Mélodie Richard, voilà, qui joue Bérénice, et c'est une histoire ancienne qui nous lie, qui justement, on avait découvert Duras et relu Bérénice ensemble. Eugène Marcus, qui va jouer Titus, qui est un jeune acteur qui sort du conservatoire, et extrêmement talentueux. Laurent Papot, un très grand acteur qui a beaucoup travaillé avec Séverine Chavrier, avec beaucoup de gens qu'on a vus beaucoup sur les plateaux parisiens ces dernières années, voilà, qui va donc jouer Antiochus. Et puis Shadi Mokberi, qui habite Téhéran, voilà, et que j'ai rencontré là-bas il y a quelques années, qui est devenue une partenaire très importante pour moi, qui joue la confidente de Bérénice. Marie Fortuit, qui joue Arzas, qui est normalement un rôle masculin, mais voilà, que nous avons féminisé, qui est donc le confident d'Antiochus, la confidente d'Antiochus et qui lui voue sa vie. Et puis, qui j'oublie, Hakim Romatif, qui joue Paulin, le conseiller de Titus, qui tente de faire maintenir les lois romaines à tout prix. Eh bien, on va se laisser peut-être foudroyer par ce sentiment suprême qu'est celui de l'amour. Et on donne rendez-vous à nos auditeurs les jeudis 16 janvier à 19h30, vendredi 17 janvier à 20h30, à Point Commun, c'est la nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise, au Théâtre des Louvrets à Pontoise pour être bien précis. Et dernière information, il y aura une rencontre organisée avec l'équipe artistique à l'issue de la représentation du jeudi 16 janvier. Un grand merci à vous, Célipote. Merci beaucoup. Merci. Merci.